Oui. C'est à vous. Ah, merci Laetitia Gaillet. Continuez de bien manger. Hein. Oui, merci. Vous auriez pu vous lâcher. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on a, on a un problème technique, Charline. On a un problème technique. Donc vous avez l'air ridicule, c'est ça, faut que j'y aille. Faut que je fasse une super production. Vous n'avez pas un truc à nous raconter? Je sais pas. D'accord. Moi qui comptais sur vous, je sens que c'est pas la bonne solution. Très bien. Écoutez, c'est pas grave. On va se débrouiller. Il y a pas de jingle. Merci Laetitia Gaillet. Alex Vizorek, tout va bien? Je crois qu'il faut qu'on explique aux auditeurs le problème. Qu'est-ce qu'on va expliquer? Vous n'avez pas de Laetitia conférence Gaillet, de rédaction, je le savais. Laetitia Gaillet, vous n'êtes plus là, merci, bon week-end. La technique a ses limites, et n'a planté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On a préparé l'émission. Nous avions fait une superbe conférence de rédaction. Nous parlions de notre invité, Hélène Darroze. On parlait des femmes. On parlait des femmes chefs, hein, parce que moi j'en ai une et je le vis relativement mal, Hélène Darroze, je ne vous le cacherai pas. Et voilà, c'était beau. On vous le gardera, on vous le mettra sur internet après, mais on vient d'apprendre il y a 10 minutes qu'il n'y avait plus de son. Allez, c'est parti, générique. Allez, on y va. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui verse l'actualité pour la boire. Et voici les trois informations qui vont nous griser jusqu'à 18h. Si la technique est avec nous. Est-ce que la cuisine peut s'aligner sur l'accord de la COP 21 et privilégier par exemple le circuit court entre la courgette et l'assiette? Ah ben suis-je bête? Non, le changement doit venir des industriels bien sûr. Goûte. C'est du pétrole. C'était. Alors maintenant regarde. Et voilà, c'est de la viande. Oh, goûte. La France est une république de l'enfant roi. Oui, le deuxième pays européen à faire flamber la carte bleue pour offrir des jouets aux marmots. Les jouets sont devenus inabordables. Vous voulez mon opinion, Thérèse? Les enfants sont pourris, vous savez. Un Français sur 10 est tatoué. Le tatouage est un phénomène massif et mondial. Il a même fait son entrée sur le marché de l'art. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction? Et puis je suis accompagnée de celui qui déjà est un berbe, donc un tatouage. bon, à quoi cela servirait-il, Alex Vizorek? Comment vous savez que je n'en ai pas? Bonjour Charline Vanhoenacker et bonjour à toute l'équipe. Oups. La voix humaine, elle fonctionne. Je vais donc vous présenter la bande à 17h20. L'homme qui aime la musique, l'homme qui aime faire de la musique, mais surtout l'homme qui aime parler de musique. Mais ce que nous, on aime par-dessus tout, c'est quand il nous fait écouter de la musique. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? On va parler d'un groupe qui s'appelle Spookyland, mais c'est pas un film d'horreur, c'est juste un groupe avec un chanteur qui a une voix avec tous les défauts de la terre, mais qui est si belle. Ah, je connais ça aussi. À 17h30, sa dernière chronique tenait plutôt de l'actualinéma, puisqu'il nous avait parlé de Star Wars. D'ailleurs, R2-D2 a porté plainte pour plagiat, mais aujourd'hui, il va revenir à ses fondamentaux, l'actualisique la plus pointue, j'imagine, Thomas VDB. Tout à fait, puisqu'un générique qui sera en musique, mais cette fois-ci, exceptionnellement, je ne vais pas parler de musique une nouvelle fois, mais il faut savoir que je fais ce que je veux. Je vais traiter deux sujets d'actualité de cette semaine. Je vais parler de Julien Le Pen et Marine Le Pers. Très bien. Et à 17h40, celle sur qui le temps n'a pas d'emprise, puisqu'elle était lancée comme une jeune fille de 20 ans, puisqu'elle peut vous appeler le lendemain pour vous confirmer le rendez-vous d'hier, mais aussi parce qu'elle peut disserter 20 minutes sur une chose à laquelle vous n'auriez consacré que 10 secondes. C'est Isabelle Sorrente, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charlie. Alors, quel est le point qui vous a vraiment... Alors, le point qui me titille aujourd'hui, c'est l'autre. L'autre avec un grand A. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, 25 minutes de chronique. Et enfin, on termine cette semaine, comme toutes les précédentes, avec l'as du jeu de mots. Celui qui, lorsqu'on lui parle de Bernard Tapie, cherche immédiatement à placer le mot carpet. Et quand il chante, c'est encore plus drôle. C'est Frédéric Fromm. Si tu écoutes, j'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Vous reprenez les relais châteaux de votre père en 95 quand entrent en vigueur les accords de Schengen. Vous ouvrez votre premier restaurant à Paris en 99, quand on passe à l'euro, et vous décrochez votre première étoile au Michelin en 2001, l'année où s'arrête le juste prix sur TF1. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Et je m'appelle Hélène Darroze. Mais bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Hélène Darroze, bienvenue. Vous publiez un livre de recettes qui s'appelle « Mes recettes en fête », qui est paru au Cherche Midi. Donc, des recettes qui sont d'ailleurs alliées à des souvenirs. Il y a toujours une page un peu littéraire où vous racontez les souvenirs. Chaque recette est liée à cela. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Quelle est la part de hasard dans la cuisine, dans la vôtre? Parce que est-ce que plus on devient professionnel, plus on laisse une part de hasard? Ou c'est le contraire? Alors moi je parlerai pas de hasard, je parlerai d'instinct. Moi je suis une cuisinière qui cuisine avec mes émotions et avec mon instinct, et je crois qu'elle est, cette part-là, elle est présente comme au premier jour. Je suis pas une technicienne moi parce que d'abord je suis arrivée comme ça. Des fois je dis je suis une imposture. Alors oui et non hein, parce que je suis la quatrième génération d'une famille de cuisiniers. Voilà. Mais j'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai pas fait d'apprentissage, j'ai fait une école de commerce. Donc c'est pour ça que je suis une imposture. Je suis arrivée un peu comme ça, pas tout à fait par hasard, mais un peu. Et donc du coup je maîtrise pas la technique, je suis pas une grande technicienne, j'ai des collaborateurs qui font ça très bien pour moi, comme je suis pas du tout influencée par ça, j'ai rien à montrer en termes de technique et de savoir-faire, peut-être quand même, mais en tout cas voilà, je suis à l'écoute de mes émotions, de mon instinct, et je cuisine avec beaucoup. Donc il y a une grande part d'inné. Ah oui, oui, une grande part de voilà, je vais chercher au plus profond de moi ce que j'ai à dire, et voilà, et cette part-là, elle est toujours là, et peut-être même de plus en plus présente, parce que c'est vraiment ma marque et ma patte et ma façon de cuisiner. Quand vous dites ce que j'ai à dire, comment on dit quelque chose avec un plat? On peut écrire dans la purée. Ouais, ça c'était quand j'avais 5 ans. Non, ça peut marcher aussi. Ne vous laissez pas déstabiliser. Par rapport à vos émotions, par rapport à un ressenti. Je vais vous prendre. Je pourrais prendre plein de plats comme ça emblématiques, mais si j'en cite qu'un, j'ai un très joli plat signature qui s'appelle Retour d'Hanoï, et c'est quelque chose que j'ai créé à mon retour du Vietnam quand je suis allée chercher ma première petite fille que j'ai adoptée donc il y a 8 ans maintenant. Et voilà, j'avais envie de raconter un peu cette histoire, et c'est vrai que tous les jours à Hanoï, je me nourrissais de feu, vous savez, cette soupe vietnamienne très parfumée, et j'ai eu envie de voilà, à travers un feu revisité, de raconter un peu cette histoire qui m'était arrivée à ce moment-là, de dire mes émotions, voilà. Donc ça, c'est raconter une histoire, c'est parler de quelque chose. Et là, c'est vraiment balèze, parce qu'écrire dans la soupe, ça se passe tout de suite, quoi. Ça dépend. Ouais, il y a des vermicelles lettres. Exactement. Ouais. Voilà. C'est des trucs chinois, c'est compliqué. Vous avez bien réagi, quand même. Par contre, chinois. Alors, essayez pas d'arnaquer Thomas VDB. Et vous avez tellement envie de dire des choses que peut-être dans votre ouvrage, Mes recettes en fête, paru au Cherche Midi, il y a des histoires liées aux recettes. Et par exemple, si je prends le pot-au-feu à l'italienne et risotto de blé au coco de pigna, c'est lié à un souvenir de Noël où vous débarquez toute seule à Monaco pour un stage dans les cuisines d'Alain Ducasse. Exactement. Et de là arrive, vous faites finalement le réveillon, vous arrivez avec un Italien, Mario. Exactement. Murator, qui a été mon mentor après, qui m'a beaucoup appris. Et voilà, il m'invite gentiment dans sa famille et je découvre toute l'histoire du pot-au-feu à l'italienne. Et du fameux zampone aussi, voilà. Et donc chaque recette est liée donc à un souvenir. Exactement, ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est? Alors j'ai dit pot-au-feu à l'italienne et risotto de blé au coco de pigna. C'est quoi déjà des cocos de pigna? Alors les cocos de pigna, c'est un haricot. C'est quoi déjà? Comme si elle savait avant. C'est quoi déjà? J'en sais plus, j'ai oublié. Non, je sais pas. C'est un haricot coco. C'est un petit haricot blanc donc qui pousse dans cette ville, dans cette campagne de pigna. C'est un petit village en Ligurie italienne. Et il a la particularité d'avoir une peau très très fine et d'avoir une saveur très très douce, parce qu'il est arrosé par un petit ruisseau qui passe dans ce village et qui est très peu calcaire, l'eau est très peu calcaire, donc ça lui donne, c'est vraiment un haricot qui par les initiés est reconnu pour cette saveur toute particulière et très intéressant. Dédé. En fait Hélène, vous êtes une grande mystique, parce que manger, c'est l'acte le plus intime qu'on ait avec l'univers au fond. Vous avez jusqu'à 18h. Ouais, c'est pas le genre de réflexion que je me fais tous les jours, mais c'est vrai qu'on est moi qui suis une cuisinière du produit, voilà, qui suis complètement liée à ce que me donne la saison, le marché, la terre, etc. Peut-être qu'on peut appeler ça du mysticisme. On ingère le monde, quoi. C'est fou. D'ailleurs, quand on aime beaucoup quelqu'un, on dit j'ai envie de te manger. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Le cannibalisme par André Manoukian. Alors, Hélène Darroze, je rappelle aussi que vous êtes dans la nouvelle saison de Top Chef, qui est quand même la grosse émission culinaire on appelle ça de la télé-réalité. Nous, on aime beaucoup tout ce qui est télé-réalité. Par exemple, on a André Manoukian qui lui aussi juge des gens moins forts que lui. Mais souvent, on entend, et aussi pour décrire votre livre, on entend toujours cette formule qui s'appelle les classiques revisités. Alors, est-ce qu'en cuisine, on fait aussi toujours du neuf avec du vieux, et est-ce qu'on arrive encore à inventer des choses, ou c'est toujours un éternel recommencement? Moi, je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a rien inventé dans tout ce qui est technique, etc., en cuisine. Hein. Je trouve que ça fait belle lurette que les choses ont été dites et faites et créées. Voilà. Par contre, ce qu'on peut toujours faire de nouveau, c'est des associations, même encore. Mais bon, c'est vrai qu'on met beaucoup de soi dans la cuisine, donc c'est vrai qu'à un moment donné... Mais inventer, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on sort quelque chose de nouveau, d'un peu plus inédit, voilà. Et il y a votre individualité dedans. Hélène Darroze, mes recettes en fête, c'est paru au Cherche Midi. Et bien sûr, toute cette émission sera sous le signe de la bouffe. Hein. Voilà, de la gourmandise. Mais oui, de la gourmandise. Mangeons-nous les uns les autres. Bien. Ça va pas mieux. Dédé est chaud comme une baraque à frites. On est ensemble jusqu'à 18h. Tenez le coup. Et je dirais en avant, on écoute Adelante. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to have no fun. The children want to have no fun. Fire burn, fire burn. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. Blood around, yeah. The children want to play in the sun. The children want to play in the sun. Put it down, put it down. Put it down, put it down. Put it down, put it down. Put it down. Fire could burn your soul and also your lover. Cause the fire could burn your soul and also your lover. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to have no fun. The children want to have no fun. Fire burn, fire burn. Fire burn. Sun. The children want to play in the sun. Put it Burn, c'est Adelante sur France Inter, programmation musicale de Djoubaka. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, notre invitée, Hélène Darroze. Et puis notre équipe, nous avons Isabelle Sorante, nous avons André Manoukian et Thomas VDB qui a demandé des conseils cuisine pendant le disque. Absolument. J'ai eu la politesse de ne pas le faire pendant qu'on était à l'antenne. Oui. Non, c'est vrai, je me demandais ce qui allait bien avec une soupe de petits pois. Et Hélène Darroze m'a gentiment renseigné, elle m'a dit de la menthe, des petits pois frais à la fin. Non, mais c'est vrai, c'était sérieux, je me demandais parce que récemment, je voulais faire des soupes. Et j'ai une grande chef à côté. Alors, de moi. Pour les petits pois, je vous conseille quand même d'attendre le mois de mai. D'accord. Pour faire une soupe de petits pois. Et voilà. Ce sera le thème un peu du sujet. Hein. Soyez COP21, Thomas VDB, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, écoutez. Hélène Darroze, est-ce que vous suivez les informations de près? Écoutez, là, j'avoue que ces derniers 10 jours-là, j'étais un peu la tête dans le guidon. C'est pas une période facile pour nous. Et donc, j'ai suivi, mais de très loin. Écoutez, donc, grâce à nous, vous allez être informés. Voilà, et je peux vous dire que là, ça va être une séance de rattrapage. Allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Dominique Strauss-Kahn serait le père d'un enfant de 5 ans. Les créateurs de la série How I Met Your Mother songeraient à reconduire cette série avec DSK pour 38 saisons. Dans la crèche de la mairie, Front National de Hayange, Balthazar est blanc. On imagine que chez le disquaire d'Hayange, on ne trouve que les disques de Michael Jackson sortis après 2003. Et les brèves, parce que comme dit le fameux dicton, il n'y a pas de trêve pour les brèves. On le connaît tous, ce dicton, Thomas VDB. On commence avec cette révélation de clause. Mais oui, DSK a, parce que ce n'est pas serait, mais a un enfant illégitime de 5 ans. Le test ADN a été fait. La mère a même réclamé 8000 euros de pension alimentaire. Ah, il a un gros appétit, cet enfant. Oui, bah c'est surtout que si elle obtient 8000 euros par mois, ça fera encore augmenter le coût moyen des infidélités de Dominique Strauss-Kahn, qui est déjà relativement élevé. Mais surtout ici, il y a un enfant. Bien sûr, il y a un enfant. Et d'ailleurs, nous avons sur ce plateau la directrice de la crèche qui a accueilli le petit depuis ses 3 ans et demi. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Alors, comment était le petit Strauss-Kahn? Ah, turbulent. Oui, on imagine, mais ça reste un enfant, vous lui donnez le biberon? Ah non, il ne voulait que le sein. Bien sûr, mais comment il était avec ses petits camarades? Ah, disons qu'il était très séducteur avec les petites. Ah, comme son papa, il jouait au docteur. Non, pas du tout, il jouait au gynécologue, mais c'est vrai qu'il était très attachant. Et oui, mais en tout cas, merci pour ce témoignage et puis félicitations, parce que je vois que vous attendez un heureux événement. Oui, merci, c'est pour dans 2 mois, j'attends 8000 euros de pension alimentaire. C'est arrivé à la dernière réunion. Voilà, sur merci. La table. Oui, mais... Ça, je l'avais pas écrit. Passons au reste de l'actu. Christine Boutin, sans transition, oui. Hein, Christine Boutin, enfin, on ne sait pas, a été condamnée à 5000 euros d'amende pour avoir déclaré, je cite, que l'homosexualité est une abomination. Voilà, 5000 euros d'amende, bon, c'est rien. Ce qui aurait été drôle, c'est de l'obliger à regarder la vie d'Adèle en boucle pendant 24 heures. Politique toujours. Oui, hier sur le plateau du Grand Journal, Gilbert Collard a lancé à Maïtena Birabin, ne me prenez pas pour un blaireau. Et c'est vrai. C'est pas gentil, chez les blaireaux, c'est la queue qui pue, pas les idées. Politique toujours, dans la crèche de la mairie FN d'Hayange, le roi mage Balthazar est donc blanc. Quelle méconnaissance de la religion chrétienne. C'est ça. Ben oui, tout le monde sait que Balthazar n'est pas dans la crèche le 18 décembre, il n'arrive que 6 janvier avec l'épiphanie. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Musique à présent, Maître Gims a dévoilé lors d'une interview pour M6 qu'il avait fait pas mal de petits boulots étant jeune, dont ramasseur de crottes de souris. Et c'est sans doute de là que ça vient, s'il fait de la musique de merde, c'est freudien. Sport? Oui, José Mourinho a été viré de Chelsea. Oui, interrogé sur le sujet, David Cameron dit « Pour un Premier ministre, c'est toujours triste de voir quelqu'un perdre un emploi. » C'est vrai qu'un licenciement à 16,5 millions d'euros, c'est tellement triste. Télévision, hier sur BFM TV, les présentateurs voulaient annoncer la météo et au lieu de la carte de France, c'est une photo de Salah Abdeslam qui est apparue à l'arrière. Oui, ça l'a créé un très grand moment de gêne, alors qu'en fait, il n'y a pas une grande différence entre Salah Abdeslam et les chutes de neige en France. On ne sait pas où et quand ils vont réapparaître. Et on termine avec Nabila. Oui, Jean-Marc Morandini a annoncé que Nabila irait en Suisse ce week-end, mais elle a une interdiction de quitter le territoire. Ce à quoi la bimbo a répondu sur Twitter, ouvrez les guillemets, la Suisse est en France, point d'exclamation. Et on ne se moque pas, pardon. Johnny Hallyday aussi a été très surpris quand il a appris que la Suisse n'était pas en France. C'est pas faux. Retour à une activité normale sur France voilà, Inter. Là, vous êtes informé. Hélène Darroze, vous pouvez dire que là... là... Oui, vous êtes informé quand même. Oui, je suis bien informé. DSK, tout ça, je pense que là, ça y est. Prenez des notes pendant le... J'imagine. Allez, on est ensemble avec Hélène Darroze jusqu'à 18h. Vous publiez mes recettes en fête au Cherche Midi. Et de cuisine, il en est question, puisqu'on va parler avec vous des cuisiniers qui ont régalé les 150 chefs d'État à la COP21. Et il y en a un qui plaide pour une cuisine d'art et d'essai. attention. Respectueuse de l'environnement, cette cuisine, et il est conseillé de se déconnecter aussi pour l'apprécier pleinement. Une règle de savoir-vivre comme il en existe déjà beaucoup. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. C'est proposé si gentiment. Il n'y a pas à dire, hein. Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Un extrait de Kaamelott. Alors c'est un article dans Télérama. Alexandre Gauthier a été parmi les cuisiniers qui ont préparé les plats pour les 150 chefs d'État à la COP21. Lui, il a un restaurant dans le Pas-de-Calais et il explique qu'il privilégie les circuits courts, qu'il essaye d'être dans l'esprit COP21. Du producteur à l'assiette, il essaye d'avoir ses produits dans un rayon de 40 km autour de son restaurant. Hélène Darroze, aujourd'hui, est-ce que c'est une évidence, une prise de conscience chez les cuisiniers? Vous disiez tout à l'heure, je suis une cuisinière du produit. Donc, par définition, déjà, vous allez au plus court chemin. Je ne sais pas si je vais au plus court chemin. Je vais à ce que je sais sain, bon, voilà. Et je vais à ce que je connais. Et moi, ce que je connais, c'est le Sud-Ouest. Donc, c'est vrai que c'est un peu loin de Paris et c'est un peu loin de Londres, puisque j'ai un restaurant aussi là-bas. Donc, je suis voilà. Ça n'empêche que je travaille aussi avec des petits producteurs autour de Paris. Je travaille aussi avec des producteurs en Angleterre. Du cassoulet de Birmingham que vous aimez. Le fameux. Donc voilà. Oui, mais donc il faut pouvoir acheminer. Comme vous travaillez au Sud-Ouest, c'est vrai que quand on est en province, quand on est comme Alexandre, c'est plus simple. C'est plus simple, hein, quand on est entouré de petits producteurs, c'est un peu plus simple qu'à Paris. Mais il y a quand même des moyens de faire ça à Paris aussi. Mais alors c'est pareil quand vous nous parliez tout à l'heure de la cuisine vietnamienne que vous connaissez un peu et qui inspire votre cuisine. Bah là aussi pour les produits, là c'est un peu compliqué. Oui, alors elle inspire mes produits, c'est les saveurs qui inspirent c'est la démarche, quoi. C'est la manière de faire. Je vais pas chercher mes produits au Vietnam. Non, je vous rassure. Oui, parce qu'il faut faire le bilan carbone après, évidemment. Ensuite, bien, c'est marrant parce que ce cuisinier, Alexandre Gauthier, il est vraiment dans une espèce de trip, on peut dire, hein, où il dit aussi aux gens, quand vous mangez chez moi, déconnectez-vous. Ne prenez pas votre téléphone portable, déconnectez-vous d'Internet, je veux que vous soyez plongé et concentré complètement dans ma cuisine. C'est toute la philosophie, en effet, de cuisinier, enfin d'Alexandre en particulier, et c'est très intéressant. Et puis de toute façon, quand on est chez lui, on est porté à ça parce que c'est une vraie expérience et en effet, il vaut mieux la vivre. C'est vrai qu'on peut être plus concentré sur un plat et distrait dans la conversation, dans le. Après moi, le moment du repas, ouais. Ça reste un moment de partage où on doit échanger. Voilà. Alors c'est sûr qu'on n'a pas à avoir l'ordinateur devant ou même le téléphone comme ça. Mais ça n'empêche que moi, j'aime partager un repas avec du monde et en parler. Et j'ai pas besoin de contrainte. Absolument d'être concentré sur ce que je fais. Je préfère le moment de partage. On parle cuisine et COP21. Marc Vera aujourd'hui a été condamné à 100 000 euros d'amende pour avoir défraîchi 7000 mètres carrés de forêt dans le coin d'Annecy. Et c'était l'un des quatre cuisiniers de la COP21. On le salue et courage, Marco. C'est pas de bol. Oui, ça, c'est un petit peu embêtant, en effet, effectivement. André Manoukian. Oui, vous étiez plongé dans le livre d'Hélène Darroze. Surtout la couverture, parce que c'est Hélène qui pose et on a envie de la manger. Ah oui, vous lâchez pas le morceau. Non, j'ai super faim, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je sais pas comment ça s'explique. Je sais pas du tout. C'est les fêtes, c'est Noël. N'ouvrez pas le livre parce que les photos sont magnifiques. Et ça risquerait de. Parlez-lui de musique déjà. Et exactement, on verra. Hélène. Je vais vous faire écouter un groupe. Ils sont australiens. Ils s'appellent Spooky Land. Et alors, le chanteur a tous les défauts de la terre. Et pourtant, son chant est d'une beauté sans précédent. Une beauté qui dérange. Écoutez. Étrange cette voix. Ses défauts, il chante du nez. Un tout petit nez, mais avec des grosses narines, tellement il a de la puissance dans la voix. Et puis on dirait aussi qu'il a sniffé de l'hélium, ce qui lui donne une voix de Mickey qui l'étrangle avec un petit vibrato déglingo tout malade. Bizarrement, tous ses défauts ne rebutent pas, mais donnent au contraire à notre ami de Spookyland une expression sublime de laquelle il tire toute sa force. Spooky en anglais, c'est la peur délicieuse qu'on éprouve quand on voit des films d'horreur, par exemple. Spookyland, il ressemble à mon copain d'enfance, Verchu, qui s'était tiré accidentellement une balle à la campagne en jouant avec le fusil de chasse de son grand-père et qui, l'œil pendant, demande à la première personne croisée « Pardon madame, vous n'auriez pas l'adresse d'un bon vétérinaire ?» Je vous jure que c'est vrai. Le Noël, Félix. Et plus tard, au café du marché, à côté du lycée Ampère de Lyon, le même Verchu draguait les filles en leur demandant « Tu veux un bonbon ?» Et si oui, il enlevait son œil de verre pour leur offrir. Voilà. Oh, salut. Il est comme ça. Il est comme ça, le chanteur de Spookyland. Il est comme mon copain Verchu. Il vous offre son œil de verre, sa jambe de bois et même son cœur artificiel. Et pour le coup, il vous décape l'esthétique au vitriol. Et ça, c'est le rôle d'un artiste. Nous nettoyer notre perception encrassée par les flots de musac dégoulinant des robinets d'eau tiède qui nous enfument le cerveau. Il fait partie de la confrérie des chanteurs à la voix rouillée, des décapeurs de conduits auditifs dans laquelle on trouvait Woody Guthrie, Dylan, Jimmy Scott, plus récemment Asaf Avidan et chez nous, le merveilleux chanteur Christophe. Toutes ces voix ont en commun qu'elles jouent avec leur part de féminité sans vergogne. Elles pourraient presque préfigurer le futur androgyne de l'humanité. Parce que tenez-vous bien, Hélène, vous savez que dans la tradition occultiste, il est dit que dans quelques milliers d'années, parce que je dis ça parce que les rois mages et tout ça, hein, il est temps d'avoir un peu de spiritualité, dans plusieurs milliers d'années, à force de nous mélanger, nous nous ressemblerons avec une peau un peu plus hâlée, ce qui nous protégera des ardeurs du soleil. Nous aurons de jolis yeux en amande. Et petit à petit, nos organes sexuels rétréciront et nous nous reproduirons non plus par le bas, mais par le haut. Par... C'est sûr tout ça. C'est sûr. D'accord. C'est important. Par le larynx. On va avoir un collier. Le larynx. Ça va faire exploser la natalité, ça. Cette vision audacieuse me parle, moi qui suis sensible au charme de la voix. Je l'ai dit ici de nombreuses fois chez vous, Charline, dans ce dernier espace libre du PAF. Vous avez l'audace de laisser s'exprimer les hypothèses les plus folles, les plus optimistes et les plus structurantes. J'ai dit combien les cordes vocales ressemblaient à... Oui, on tute. Un vagin. Il suffit de regarder une endoscopie et j'ai dit aussi que les hindous tiennent les cordes vocales pour les organes sexuels secondaires. Ainsi donc, dans le futur, la voix aura repris son plein pouvoir et nous pourrons concevoir en prononçant des mots. Et l'on se rendra enfin compte que la nouvelle star et gorge profonde étaient des concepts prophétiques. Après le pouvoir sexuel de la voix, le pouvoir reproducteur des cordes vocales. Mais revenons plus sérieusement à l'androgynie. Elle est une des clés de notre esthétique et ce depuis la plus haute antiquité. Les figures des pharaons sur les bas-reliefs égyptiens nous montrent que si on enlève les attributs de Ramsès et de Néfertari, leurs visages se ressemblent étrangement. La Joconde et sa mâchoire de garçon fascinent. Farinelli et les castrats à la Renaissance rendent les filles hystériques, sans parler de Little Richard, des Beatles, de Prince, de Marvin Gaye, de Daniel Balavoine ou même Jean-Jacques Goldman, le chanteur préféré de Clara Dupont-Mono. Moi, celles qui me rendent dingue, c'est les filles qui chantent avec la voix grave. Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Sarah Vaughan, Julie London, Mélanie Gardot, Lana Del Rey. En attendant, c'est le lendemain qui chante. Je vous propose Spookyland, excellent pour vous décrasser les oreilles entre deux chants de Noël pendant les fêtes. Blood-soaked fists. c'est beau, Spooky Land. Le titre, c'est boulimique. Exactement, la beauté, c'est un petit peu de masculin dans du féminin et un peu de féminin dans du masculin. Hein, Frédéric Fromet viendra chanter tout à l'heure. Je vous le dis. Parce que quoi, les auditeurs ont pensé d'abord que Frédéric Fromet avait une voix de fille. Oui, voilà. Et comme il s'appelle Frédéric, ben voilà. Ah oui, ça porte à confusion. Hélène, c'est pareil, en cuisine, quand on mélange un sucré, salé ou des saveurs qui sont apparemment antinomiques, tout d'un coup, ça crée une tension qui est intéressante. Exactement. Une tension même sexuelle, parfois. Bon, Hélène Darroze, faites-nous la liste des aphrodisiaques, parce que Dédé, on sent qu'il est là-dessus. Voilà, vous êtes en plein, là, le début de la truffe noire. Donc, elle parle de vous, en vrai. Ouais. Ah, il faut manger de la truffe noire, hein. Ça, je vous le conseille. Non, mais ça, il ne faut pas manger des trucs aphrodisiaques, moi, ce n'est pas du tout ça. Ah mais bah, wow. on parle souvent de sensualité avec la cuisine. Non, on n'en parle jamais. Bah, lisez mon premier livre qui s'appelle « Personne ne me volera ce que j'ai dansé ». Je vous l'enverrai. « Personne ne me volera ce que j'ai dansé ». Voilà. Wow. Et voilà. Ouais, lisez aussi le second. Je sens qu'il y a un truc entre vous, entre Dédé et Hélène Darroze, notre invitée. Mes recettes, en fait, parues au Cherche Midi. On va reparler cuisine, évidemment, avec vous. Mais là, à 17h38, sur France Inter, c'est un grand moment. C'est le moment de Thomas VDB. Voilà. Ça dépote, hein. Je pense. Prenez un peu de recul. Allez, c'est parti. Un mélange de qualité de musique, c'est maintenant la culalique. C'est peut-être le plus efficace de la série. Je voulais quelque chose d'assez percutant. Et puis voilà, qui rend hommage à l'actualité, puisqu'hier j'ai appris que Julien Lepers va être limogé de Questions pour un champion. Ouais, France 3 lui retire le poste de présentateur de l'émission et l'envoie à Limoges. Bon, voilà. Alors, donc vous savez qu'à la fin de Questions pour un champion, il y a le suspense à chaque fois. On sait si le champion du jour il va rester le lendemain ou non. Et là, allez, je reste, il reste. Et voilà, ça applaudit. Et ben, il paraît que lundi dernier, apparemment, le producteur est arrivé pile à ce moment-là et lui a dit: toi, Julien, par contre, tu pars. Voilà, c'est pas très sympa, mais... Parce que Julien Lepers, c'est pas rien quand même. C'est Julien Lepers. Bon, Julien Lepers, c'est Julien Lepers. D'ailleurs, c'est fou. Je me disais, parce que je me rendais compte qu'à chaque fois que je pense à lui, par association d'idées, aussitôt, je pense à Julien Lepers. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive pas à penser à autre chose quand je pense à lui. Je suis allé sur la page Wikipédia de Julien Lepers. J'ai découvert qu'il a une filmographie. Julien Lepers a fait des films. Alors, tu regardes tous les films dans lesquels a joué Julien Lepers. À chaque fois, tu regardes le rôle qu'il a joué. Il y a marqué lui-même. Ok. C'est-à-dire qu'apparemment, pour chaque film, après mûre réflexion, les réalisateurs décident à chaque fois de lui attribuer le rôle du présentateur de Questions pour un champion. En tout cas, ça ne nous regarde pas de savoir ce que Julien Lepers, après toutes ces années, va toucher comme indemnité de licenciement. Par contre, j'ai appris, et ça c'est vraiment chouette, qu'à l'occasion de son départ de l'émission, Larousse va lui offrir le grand livre des jeux de société. Et c'est toute l'histoire des jeux de société de 1900 jusqu'à nos jours. Ben, c'est quand même pas mal. Et c'est bien fait pour lui. Ben non, j'espère que franchement, il va bien en profiter. Mais bon, c'est vrai que bon, là, on rigole avec ça, mais c'est vrai que le licenciement de Julien Lepers depuis les attentats, c'est clairement le genre de news qui nous semble moins grave aujourd'hui quand même. C'est vrai qu'avant les attentats, on relativise, on a appris à relativiser. Imagine aujourd'hui Julien Lepers qui parle avec Claire Chazal. Il dit: non, mais attends, moi, je me fais virer de Questions pour un champion, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Toi, tu t'es fait virer de TF1, tout le monde en parlait. Eh, ah oui, mais t'avais qu'à te faire virer avant les attentats. Évidemment. Téléstar a qualifié le départ de Julien Lepers de tremblement de terre. Ah, quand même. Les Haïtiens ont apprécié. Mais un tremblement de terre pour Téléstar, qu'est-ce que ça représente finalement? On ne sait pas vraiment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est arrivé, voilà, parce que cette nouvelle, aujourd'hui, elle n'a pas le même sens qu'elle aurait pu avoir avant les attentats, sauf pour Téléstar, évidemment. Mais on est arrivé, on peut arriver à un dérèglement total de la valeur des choses et des réactions, je dirais, depuis les attentats. On en a eu la preuve hier, avec Marine Le Pen sur Twitter, qui a répondu à Jean-Jacques Bourdin, on a tous vu ça, en disant: ah ouais, tu m'as insulté, mais attends, je vais t'envoyer la photo d'un gars qui se fait écraser par un char. Voilà, on sent que, voilà, rhétoriquement, on est quand même assez loin du je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le Premier ministre. Hein, c'est quand même un petit peu loin de ça. La meuf, elle est pas d'accord avec un gars. Elle lui envoie des photos d'un gars qui se fait brûler, décapité, écrasé par un char. Et après, dans sa vie, elle s'étonne qu'ils disent comme ça, tu es en train de dire: oui, mais faut arrêter de me diaboliser. Voilà, attends, c'est un peu compliqué quand même. Je veux bien arrêter de diaboliser à condition que d'abord tu boives un grand verre d'eau. Tu t'inscrives à un cours de yoga. Sans Ricard. Alors, en tout cas, j'ose pas imaginer ce que ça va être si elle est élue en 2017. Hein, c'est un tout petit truc qui part en sucette. Comment elle va réagir? J'ai un petit peu peur de ça. D'ailleurs, pour Marine Le Pen, je suis pas certain que poster sur Internet des photos très crues des choses qu'elle décide de combattre, ce soit une bonne stratégie. hein, ou alors il me tarde de l'avoir engagé un virulent combat contre la pornographie, disons, scandinave. Hein, je pense que ça va être rigolo d'avoir posté des photos de ça. Et j'espère, eh bien, que les choses, en tout cas, aujourd'hui, vont revenir un peu à la normale. Parce qu'hier, bon, voilà, j'avais rendez-vous avec un pote et il arrive en retard d'une demi-heure. Bon, voilà, je dis, attends, tu charries, t'es un peu à la bourre. Il me dit, ouais, t'es pas content? Mais dis, bouge pas, tiens, je vais t'envoyer une photo de génocide. Voilà, donc j'espère que les choses vont un petit peu revenir à la normale. Et gros bisous à Julien Lopez. Merci Thomas VDB. Alors, ce qui est très étonnant, c'est ça fait deux jours, et c'était le cas avec Guillaume Meurice hier, qu'on part de Julien Lepers pour arriver au FN. Mais quoi, c'est alors, ça. Si Julien nous écoute, ça n'a rien ça à voir. Ça n'a rien à voir avec lui, évidemment, mais ça va, c'est quand même troublant. Mais oui, tout nous ramène au FN, c'est quand même... qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va parler d'autre chose, voilà. Le sujet 2 sur France Inter, avec Hélène Darroze. Mes recettes, en fait, c'est paru au Cherche Midi. Et on cherche, tiens, la citoyenne et la maman qui est en vous aussi avec ce sujet 2. Car la croissance existe. Oui, le secteur du jouet pour les enfants de moins de 10 ans ne cesse de croître d'année en année. Le marché de l'anxiété parentale se porte très bien. Merci pour lui, quitte à acheter n'importe quoi. C'est Noël, c'est parti, c'est la grande fête des cadeaux. Eh bien, c'est exactement ce que nous vous proposons cette année chez les Jouets Jean-Michel, avec par exemple l'ensemble des éléments électroniques qui composent le kit chaîne Stéréo Junior. Sauf que quand le gosse veut la mettre en marche, eh bien, ça ne marche pas. Alors évidemment, pour lui apprendre que tout se mérite et qu'on n'a rien sans rien, il va devoir se bouger un peu le cul en faisant des branchements tout seul, parce qu'on peut pas toujours être collé derrière leur dos à ces petits cons. Et donc il le branche sur cette batterie d'une puissance de 640 volts. Ensuite, il prend le circuit imprimé qu'il branche en série avec le voltmètre, sans oublier la connexion fil jaune, fil rouge. Et là donc, il constate que la musique se met en marche. Et donc, pour résumer, je n'aurai qu'un seul slogan. Pour vos courses de Noël, les jouets Jean-Michel, c'est sensationnel. C'était un message à caractère informatif. Hélène Darroze, vous qui êtes maman, voilà, vous apprêtez à passer Noël avec les enfants. La croissance du secteur du jouet est vigoureuse, de 2 à 5%. Même Pôle emploi encourage ses chômeurs à se tourner vers les métiers qui sont liés à l'univers de l'enfance. Alors Hélène Darroze, est-ce que la société de l'enfant roi, elle vous agace, ou depuis que vous êtes maman, vous en êtes complice et c'est difficile à gérer? Je crois en être un peu complice. Hein. Je crois que depuis que je suis maman... Voilà. Vous craquez facilement. Ouais, c'est vrai. Je suis une maman qui gâte beaucoup mes enfants. Vous leur achetez des cuisinières, j'imagine. J'ai déjà fait ça. C'est bien cohérent. Bien sûr, et une batterie de casseroles, etc. Avec cette notion de culpabilité de dire au départ... Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Moi, je ne sens pas du tout coupable. Moi, j'ai des petites filles que je suis allée chercher très loin. C'est pour les rendre heureuses, mais pour leur donner des valeurs aussi. Donc, je pense que je les gâte, mais je leur montre aussi la réalité des choses. Je les fais voyager, je leur montre des choses... de la réalité. Vous leur montrez qu'elles sont favorisées peut-être par rapport à d'autres, J'essaye de leur montrer, oui, j'essaye de leur expliquer. C'est vrai qu'elles ont la chance de beaucoup voyager parce que je le fais grâce à mon métier dans des endroits en général qui sont plutôt très sympathiques. Et puis vous jouez entre Paris et Londres, vous avez un restaurant. Oui, bien sûr. Et elles ont grandi en partie dans cet endroit magique qu'est le Connaught à Londres. Donc c'est vrai, mais c'est vrai que je leur dis quand même tous les jours qu'il y a d'autres réalités et j'essaye de leur montrer. Et je suis assez contente parce que quand on sort, on me dit toujours waouh, vos petites filles, on n'a pas souvent vu ça. Donc je pense que même si elles sont très gâtées, elles ont aussi conscience. Elles vous demandent des jouets moches? Des jouets, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis passée par là. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché de l'anxiété parentale, c'est-à-dire les jeux éducatifs ou les cours particuliers qui font. C'est un secteur très florissant parce que plein de gens s'engouffrent là-dedans, jouent sur l'anxiété des parents et l'éducation. Pas du tout là. Je suis pas du tout. Je suis encore une fois de plus dans l'instinct et je pense que les choses elles arrivent comme ça et qu'il y a déjà l'école pour ça, pour éduquer. Je suis pas du tout de. Je réfléchis pas quand j'achète un jouet à comment ça va les instruire ou pas. Vous les éduquez à la cuisine déjà? Oui, parce qu'elles vivent un peu en cuisine chez vous? Elles ont grandi dans des cuisines elles aussi. Hein. C'est vrai que depuis toute petite, elles viennent me voir quand elles veulent. Donc elles connaissent ce monde-là avec les bons côtés et les mauvais côtés parce qu'elles savent aussi que c'est un monde difficile. Hein. Vous savez que ce soir, quand elles me voient partir à 7h30 pour aller travailler et rentrer à minuit, elles savent que que c'est pas que du glamour la cuisine, hein, mais oui elles sont conscientes, elles ont grandi dans la cuisine et maintenant elles commencent à avoir envie de cuisiner avec moi à la maison et c'est ce qu'on fait très souvent et c'est utile et c'est très sympathique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le marché des moins de 10 ans si florissant et le prolongement de soi que sont les enfants avec une petite forme de narcissisme, etc. C'est un article à portée sociologique qui est intéressant. C'est dans Marianne cette semaine. Car on aime la presse, on achète la presse, on lit la presse. Et Isabelle Sorrente, vous nous emmenez vers un peu de poésie ? Un peu de poésie. Parce qu'hier, j'ai rencontré à la Maison de la Poésie eh bien, un poète, hein, c'est logique, hein, un poète venu de Nouvelle-Calédonie qui est en résidence à Paris. Il s'agit de Paul Wameau. Alors, on a eu un petit souci technique pour vous faire écouter un extrait de ses chansons, mais vous pouvez aller les trouver sur son site à paulwameau.com. Alors, Paul m'a dit quelque chose dans sa langue natale. Il m'a appris un mot qui m'a fait beaucoup réfléchir. En Nouvelle-Calédonie, l'autre se dit « hatch ». Hatch, ça veut dire aussi « le savoir ». Donc, l'autre, c'est « le savoir ». Et l'enfant se dit « Nekone Hatch », le petit savoir. Donc un autre, même petit, c'est toujours un savoir. Et le savoir, même dans un livre, c'est toujours quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas lire sur tablette. Je préfère lire le nom des autres sur la tranche des bouquins. Je préfère me souvenir d'eux plutôt que de les oublier dans un espace mémoire. La différence entre le livre et la tablette, ce n'est pas tant, je crois, le confort de lecture, hein, c'est toujours ce qu'on dit dans les débats, mais je pense pas. Je pense que ça, c'est un problème mineur. La vraie différence, c'est l'espace occupé par les livres, donc l'espace occupé par les autres, nous dirait notre ami poète. Et la possibilité de prêter un livre ou pas. Avec la tablette, vous avez remarqué que vous ne pouvez plus prêter un livre, ou alors mais vous prêtez... Plus de gens auront envie. Et oui, de mais se enfin, prêter la tablette. Oui, mais de se prêter la bibliothèque entière, si vous faites le parallèle. Donc je crois que c'est la grande différence, la possibilité du prêt, que la dématérialisation ne permet plus. Alors, si on revient au Kanak, hein, puisque c'est un petit cours de Kanak improvisé, finalement. Je crois qu'il vous a emballé, le poète Kanak. Ah ouais, carrément, grave. Hatch, l'autre. Quelque chose qui vous empêche de prêter vous éloigne de l'autre, donc diminue votre savoir. Donc, avec le même nombre de titres, vous avez moins de savoir dans une tablette que dans une bibliothèque, parce que vous avez moins d'autres. Donc, l'espace mémoire est un espace d'oubli. Alors, question, comment faire pour augmenter sa conscience de l'autre et donc son savoir ? Les psychanalystes nous disent que l'altérité implique la fin de notre toute-puissance et de notre androgynie, malheureusement, André. Et c'est ce que les psys appellent la castration. Ce n'est pas une mince affaire, tout comme la recommandation pour nous qui sommes marqués par le christianisme, un petit peu de Bible en ces périodes de fête, d'aimer l'autre comme soi-même. Ouais. Malheureusement, quand on constate combien la plupart des gens se détestent, se sabotent, se mentent à eux-mêmes, on se dit que s'ils nous aiment nous comme ils s'aiment eux-mêmes, eh bien on est mal barré, il vaudrait mieux qu'ils ne nous aiment pas. Alors essayons de traduire la recommandation christique en néo-calédonien. Aimer l'autre comme soi-même devient aimer le savoir comme soi-même. On dirait de la mystique rhénane en direct sur France Inter. Oh, la Dédé ne se sent plus. Dédé, aimer l'autre revenez. Comme soi-même signifie découvrir, partir à l'aventure, aimer l'étrangeté comme soi-même. Ce qui nous ramène à cette phrase de Simone Veil qui avait dû se poser la même question, celle qu'on se pose tous, à savoir comment aimer les autres quand on n'est pas toujours sûr de bien s'aimer soi-même. Simone Veil a dit « Aimer l'autre comme soi-même revient à s'aimer soi-même comme un étranger ». Voilà une phrase à méditer en ces temps troublés. Je ne m'étendrai pas sur son écho politique. S'aimer soi-même revient à partir à l'étranger. S'aimer soi-même revient à partir à l'aventure. Pas à manger des yaourts, à boire de la tisane détox et à s'acheter des fringues, comme voudraient nous le faire croire en cette période de fête les mille et une recommandations bien-être et les messages publicitaires incessants qui pleuvent en ce moment sur nos téléphones. 30% de réduction sur présentation de ce SMS. Aimer l'autre comme soi-même, c'est faire quelque chose d'autre, éviter les galeries marchandes et n'offrez pas de tablette pour Noël. Isabelle Sorrente, j'aime quand vous êtes militant. Est-ce qu'on peut réavoir le nom de ce poète ? Alors, c'est oui, l'orthographe pour le citer. Paul Wameau. Paul Wameau, ça s'écrit donc Paul Wameau, W-A-M-O. Et voilà. Là, une chanson qui est très belle, c'est Caillou avec un K. Voilà. Voilà. Ça vous a inspiré, André, non ? Mais grave, grave, grave. Et puis l'histoire de l'autre, c'est aussi l'histoire d'Ulysse, c'est l'altérité, quoi, c'est ça. En fait, on a peur de l'autre. On a peur de l'autre. C'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on en a peur. On a peur de ce qui est de cette inquiétante étrangeté. C'est vrai. Alors que moi, je vous regarde tous. Oui. Vous êtes avec amour. Et j'ai envie de vous manger, c'est ça. Vous êtes sur France Culture. Bienvenue, 17h51. Non, vous êtes sur France Inter avec Hélène Darroze et on va aborder avec vous le troisième sujet, Hélène. D'après les sociologues, le tatouage vient d'une envie d'individualiser son corps. Quand toutes les meufs se tatouent un dauphin sur l'épaule, c'est moins évident, vous allez me dire. Après, si vous demandez à François Damiens, vous êtes sûr qu'il va vous individualiser le travail. Hein. Voici son œuvre. Mais attends, il a pas encore ses narines, l'autre pote qui va arriver ici. On peut très bien imaginer une petite mûche qui fait « Coucou, petite perruche !»« Coucou, petite perruche, ici, toi !»« Mais coucou, petite perruche, mais tu rigoles ou quoi ?» Mais non, on voit de sa bouche, on peut faire une petite boule comme un cartoon, on dirait « Coucou, petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi !» Non, mais y a pas de cartoon. Mais est-ce que je t'ai demandé de me faire un élan et de mettre des dialogues, de me faire une BD sur le corps? Tu me fais un vieil élan qui ressemble à un rien. Un vieil élan ? C'est un élan qui a 2-3 ans. Mais regarde, tu m'as fait un truc, là, ça ressemble à rien, il y a pas de corps, il y a une vieille queue. Non, mais arrête-toi. Si toi... Mais t'es malade dans ta tête. Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi, moi ? Un extrait des caméras cachées de François Damiens. Un Français sur 10 est tatoué, c'est dans le supplément Week-end des Échos. Et un Français sur 5 est tatoué chez les 24-35 ans. Surveillez vos filles, Hélène Darroze. Faut préciser que pendant qu'on écoutait le magnéto de François Damiens, Hélène Darroze nous a montré son Johnny qu'elle a tatoué dans le dos. C'est vraiment étonnant. Mais c'est dégoûtant, j'avais dit de pas le dire. Mais il n'y a pas d'intimité ici. Moi, dans cet article, j'étais très étonnée de voir Justin Trudeau, vous savez, le magnifique nouveau premier ministre canadien, avec un corbeau stylisé sur le bras. Et l'article disait que le tatouage avait quand même pénétré la sphère politique, étrangement. Moi, je ne savais pas, mais voilà. En tout cas, Justin Trudeau, si vous voulez le voir... Vous n'avez pas vu le dos de M. Hollande, hein. Ah, vous l'avez vu, vous. Je me suis trahie. Alors, une question, je posais une question, je me suis dit, tiens, Hélène Darroze, chez les serveurs et chez les cuisiniers. Alors, chez les cuisiniers, on les voit chez pas chez les cuisiniers, il y a beaucoup de tatous. Ah, vous allez voir, dans la nouvelle saison de Top Chef, il y a des tatoués. Ah oui. Ouais. Alors, et par exemple, chez les serveurs, est-ce que vous, dans votre restaurant à Paris et à Londres... Là, je vois moins, parce que... Bon, je pense il y a des manches longues, déjà. Ouais, voilà, il y a des manches longues, il y a des cols serrés. Le fait qu'ils soient visibles, ça vous pose un problème ? Ça vous poserait un problème ? Alors, on a eu... Je viens d'embaucher quelqu'un au Connaught, à une position assez élevée. Qui a une grande barbe très élégante. Et une croix gammée sur le... non, une belle barbe. Excusez-moi. Et alors, au Connaught, justement, la politique, c'est il faut se raser. Voilà. Moi, j'ai dit, écoutez, on va respecter ce monsieur. Et à partir du moment où il a une barbe bien rasée, qu'elle est propre, etc., on va la lui laisser. Alors, c'est peut-être pas un tatouage, mais c'est quelque chose voilà, qui peut être un signe comme ça extérieur. Donc, si c'est un beau dragon sur le front. C'est ok. Je vous dis pour les CV à envoyer. On fait au cas par cas, on verra quand le cas se présentera. Si on se tatoue une quiche, ça c'est raccord avec le métier. Donc on peut, il y a certaines... individualiser son corps, voilà, c'est un article dans le supplément Week-end des Échos qui raconte que chez les jeunes, dans une société de l'image, mon tatouage, c'est mon logo. Si vous deviez vous tatouer quelque chose, Hélène Darroze, vous y avez déjà songé ou pas? Ouais, parce que moi je trouve qu'il y a des tatouages très discrets, très élégants et qui ont des messages parfois, qui portent des messages importants pour la personne qui les porte. Et je comprends que voilà, c'est soit important, c'est des parties de leur vie qui sont comme ça imprimées sur leur corps. Oui, tout à fait. Et sincèrement, je veux pas dire que j'y ai pensé parce que voilà, mais ça me ouais, je pourquoi pas. Vous reviendrez nous dire si vous avez passé le pas. À condition que ce soit très discret, voilà, c'est ça. Il est discret lui aussi quand il arrive en studio. Il est discret, mais on voit bien son Daniel Guichard tatoué sur le bras, car oui, c'est son idole et c'est l'idole de tous les chanteurs à guitare. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Quel est le thème de la semaine ? Merci d'ailleurs, parce que c'est vous qui nous avez aidé à écrire les blagues cette semaine et les jeux de mots. C'est vrai. Désolé. On a passé la semaine avec Fromet. Pour bien terminer la semaine et quasiment l'année, je vais vous parler de terrorisme. Ah oui. Oh. Oui ! Plus précisément du terroriste introuvable, Salah Abdeslam. Mais où est-ce que t'es passé, Salah ? Mais t'es pas là, mais t'es où, Salah ? Mais t'es pas là, mais t'es où, Salah ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Mais t'es où, Salah ? Mais t'es pas là, mais t'es où, Salah ? Mais t'es pas là, mais t'es où ? Mais t'es où ? Vianney, c'est comme Daesh, hein. Une vraie prise de tête. Nous sommes des cruches, des enquêteurs nunuches. J'parais que tu t'es planqué avec du plomb de ligonesse. Mais c'est bientôt fini, car où que tu sois, pauvre naze, tu seras bientôt pris par la garde biterroise. Imagine la honte toi qui te la raconte, toi l'horrible barbare, pris par Robert Ménard, et sa milice de vioc qui stoppe ta cavale, toi faisant dans ton froc, devant leur carte vitale. Ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où. En tout cas, c'est pas ce refrain qui va le faire revenir. Mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, mais t'es où. Il faut que tu te magnes de rentrer pour ne pas rater cet effroyable drame, la dernière à la télé, du grand Julien Lepers dans Question pour un champion. Vite, même si bien sûr tu sèches dans l'épreuve du 4 à la suite. Toi qui n'as même pas su enclencher le détonateur de ta ceinture, comment veux-tu appuyer sur le buzzer. Ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où, ça là, mais t'es pas là, mais t'es où. Après ce putain de refrain, le seul point où je te rejoins, c'est quand l'État islamique interdit la musique. Bravo Frédéric Fromet. Comment Julien Lepers mène au terrorisme cette fois. Merci. Merci. Et quelle voix de castrat, c'est incroyable. Ouais, poussé dans les aigus, c'est très, extraordinaire. Très, très érotique. Merci. Merci beaucoup à Hélène Darroze d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Je rappelle votre livre, Mes recettes en fête, c'est paru au Cherche Midi. Toutes vos recettes accompagnées de textes et de vos souvenirs. Donc il y a de vous dedans, complètement avec de très jolies photos. Et puis on rappelle aussi Top Chef, évidemment, sur M6. Je vous remercie tous autour de cette table. Merci. Isabelle Sorande, Thomas VDB, André Manoukian, Alex Vizorek. On vous retrouvera tous la semaine prochaine avec Guillaume Meurice. Lundi, nous serons en compagnie de Bianca Lee, la chorégraphe espagnole. Et on va laisser le mot de la fin au petit morveux qui demande un cadeau de Noël alors qu'ils vont jouer qu'avec l'emballage. Les jouets sont devenus inabordables. Vous voulez mon opinion, Thérèse ? Les enfants sont pourris, vous savez.